Psaume 77. Psaume de Zaph, donné au maître chantre d'entre les enfants de Jédutun. Ma voix s'adresse à Dieu, et je crierai, ma voix s'adresse à Dieu, et il m'écoutera. J'ai cherché le Seigneur au jour de ma détresse, ma plaie coulait durant la nuit, et ne cessait point, mon âme refusait d'être consolée. Je me souvenais de Dieu, et je me tourmentais, je menais bruit, et mon esprit était transi, c'est là. Tu avais empêché mes yeux de dormir, j'étais étourdi, et ne pouvais parler. Je pensais aux jours d'autrefois, et aux années des siècles passés. Il me souvenait de ma mélodie de nuit, je méditais en mon cœur, et mon esprit cherchait diligemment, en disant, le Seigneur m'a-t-il rejeté pour toujours, et ne continuera-t-il plus à m'avoir pour agréable? Sa gratuité est-elle disparue pour jamais? Sa parole a-t-elle pris fin pour tout âge? Le Dieu fort a-t-il oublié d'avoir pitié? A-t-il en colère fermé la porte de ses compassions? C'est là. Puis j'ai dit, c'est bien ce qui m'affaiblit, mais la droite du souverain change. Je me suis souvenu des exploits de l'Éternel, je me suis, dis-je, souvenu de tes merveilles d'autrefois. Et j'ai médité toutes tes œuvres, et j'ai discouru de tes exploits, en disant, ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort, et grand comme Dieu? Tu es le Dieu fort qui fait des merveilles, tu as fait connaître ta force parmi les peuples. Tu as délivré par ton bras ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph, c'est là. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, et ont tremblé, même les abîmes ont été émus. Les nuées ont versé un déluge d'eau, les nuées ont fait retentir leur son, tes traits aussi ont volé ça et là. Le son de ton tonnerre était accompagné de croulements, les éclairs ont éclairé la terre habitable, la terre en a été émue, et en a tremblé. Ta voix a été par la mer, et tes sentiers dans les gros seaux, et néanmoins tes traces n'ont point été connues. Tu as mené ton peuple comme un troupeau, sous la conduite de Moïse et d'Aaron.